Le secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Kazbek Taïsaïev, chef de la délégation du groupe des parlementaires d'amitié Russie-Corée de la Douma d'État de Russie, qui a visité la République populaire démocratique de Corée, a accordé une interview au correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée au terme de sa visite au chantier de construction de l'avenue Dumyon avant le retour dans la patrie. Il y a dit qu'il n'avait pas pensé à la construction d'une nouvelle avenue moderne dans un court laps de temps et qu'il est surpris à la vue d'une excellente cité à la veille d'inauguration. Il a affirmé que les événements séculaires, les miracles coréens surprenant le monde entier, sont impensables sans la direction sage du respecté camarade Kim Jong-un et précisé de consentir tous les efforts pour le développement continu de l'amitié bilatérale.